des parties, je me sens si bien. Et c'est même heureux que je me lève le matin. Dès la semaine, je peux faire la fête. T'es plus là au réveil pour me prendre la tête. Travail, travail, tu me fais si mal. Boulot, boulot, t'étais qu'un salon. Travail, travail, t'es pire que le mal. Boulot, boulot, on aura ta peau. Enfin, je te l'avoue, si ça durera si longtemps, c'est parce que tu plaisais bien à mes parents. J'avais essayé d'être un gars normal, un type comme tout le monde, honnête et moral. Travail, travail, tu me fais si mal. Boulot, boulot, t'étais qu'un salaud. Travail, travail, c'est pire que le bagne. Et en bon garçon, c'est trop tard que je compris que j'avais été con que t'apporter à ma vie. Car je t'ai remplacé, un destin ça se change. Avec lui, c'est pas gay, mais tous les jours dimanche. RSA, RSA, elles sont plus.